Salut Sandra. Salut Marie. Tu sais quoi? Je vais faire mon premier saut à l'élastique samedi prochain en Normandie. Toi? Mais tu es folle? Tu ne lis pas les journaux? Si, mais où est le problème? Tu n'as pas entendu parler de cet accident qui s'est passé dans les Alpes, où un garçon de 15 ans a failli mourir en sautant d'un pont justement? Écoute Marie, les accidents ça peut arriver tous les jours, n'importe où. Ce n'est pas la peine de les provoquer. Et tu connais au moins les gens avec qui tu vas sauter? C'est un club agréé, j'espère. Non, ce n'est pas un club. C'est une bande de copains qui sautent tous les week-ends et depuis longtemps déjà. Tu es complètement folle. Et puis, tu n'es pas tellement sportive, toi. Oh, je n'arrête pas de nager à la piscine. Tu sais, en sautant, on éprouve des sensations super, il paraît. Pourquoi tu ne fais pas plutôt du parachute? Ou du deltaplane? Avec un élastique, tu te rends compte des risques. Et qu'en pensent tes parents, dis? Rien du tout. Tu sais, eux et le sport... Moi, si j'étais eux, je t'interdirais d'y aller. Oh, tu es pénible. Si on t'écoutait, on ne ferait jamais rien, quoi. Si, mais pas ça. Sandra, tu peux venir mettre la table? Il est l'heure de dîner. Et invite Marie si elle est libre.